J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. L'humanité, 4 août 1933. Duke Ellington à Paris. Le premier gala de Duke Ellington fut par une timidité regrettable de ses organisateurs placé sous le signe de Jack Hilton, admis lui depuis longtemps en France. Hilton présentant du haut de sa notoriété l'orchestre de Duke Ellington, qui s'en serait bien passé, fut sifflé. Le succès, ou pour mieux dire, l'enthousiasme suscité par le premier gala fut tel qu'on dut le recommencer sans Jack Hilton cette fois. Puis Ellington, qui n'avait sans doute guère aimé les habits noirs qui encombraient la salle, demanda que fût organisée une soirée à des prix populaires. Les nombreux camarades que nous avons eu le plaisir de rencontrer dans la salle l'en ont remercié. On ne pourrait guère mieux parler de la musique d'Ellington que ne l'a fait M. Canetti en présentant l'orchestre. C'est pourquoi nous lui empruntons les lignes qui suivent. En quoi la musique d'Ellington diffère-t-elle de celle d'autres ensembles de jazz de même importance numérique? Duke Ellington a toujours laissé dans ses arrangements une importante place à l'improvisation individuelle. Or, son orchestre a une telle cohésion que toutes les improvisations semblent imprégnées d'un même esprit, d'une même pensée. Un autre trait de génie d'Ellington a été l'utilisation de sonorités nouvelles, inspiré peut-être par les effets de sonorité assez curieux de Bubber Millet, dont les improvisations à la trompette, plus ou moins bouchées, devinrent bientôt caractéristiques de l'orchestre entier, Ellington eut l'idée d'employer chaque instrument non seulement en raison de sa sonorité propre, mais aussi en fonction d'une sonorité totale, qu'il arriva bientôt à créer cérébralement. Cette faculté de doser différentes sonorités d'instruments et d'obtenir un effet total, mystérieux et pourtant attirant qu'il est presque toujours impossible d'analyser. Voilà bien la raison essentielle de la suprématie de Duke Ellington dans le domaine de la musique du jazz hot. Salle Pleyel. Interrompant les applaudissements qui jamais n'auraient cessé, Duke Ellington se lève simplement, il annonce « Le prochain morceau est Echoes of the Jungle », puis s'assied au piano. L'orchestre commence. Les spectateurs enfoncés dans leur fauteuil ne peuvent plus bouger. Ils ne voient plus rien. Ils regardent l'orchestre qu'ils ne peuvent fixer. Quelques esprits forts venus méprisants et pour qui jamais le jazz, et surtout celui-là, ne sera de la musique, sont pris malgré eux. Ils ne pourront se ressaisir, retomber sur leurs pieds qu'à la fin du concert, dans la rue. Le flic de service, les passages cloutés seront là pour les rassurer. Leur voiture n'a pas changé de place.